RIFA, TRACK, 89 100, 89 500. Yeah, yeah, yeah, yeah. J'ai le style adéquat, ça déboîte, ça blablate sur ma gueule, MC vaut mieux que tu te doites. Tu te vois sur le trône, tu fais le foot devant ton chrome, hein. Mais sache que dans le rap c'est de la dope que tu prônes, hein. On vient mélanger le style, frapper dans le mille. Des vides comme ça je les fracasse dans une tombe, près moi je les empile. J'vais monter mon empire avec des sauces qui vont t'entirer. J'peux t'attirer dans mon délire, j'fais mal, j'peux encore faire pire. Arrête moi si tu peux, c'est vrai que j'suis typeux. Tu me vois pas devant toi dans le son, tu m'arrives à la bite. J'viens débiter sur le beat, des morimes mais t'y vont vite. Sans être sous l'emprise du shit, gros dans la rue tu m'évites. Hey, c'est du RAP, j'suis pas là pour déraper, mais pour virer tous ces ratés qui veulent brater les gens gratter dans la notoriété. Gros le rap c'est pas ta propriété. Te le demander dans la course au trône, j'aurai sur le côté. Le style adéquat, on est venu représenter. Track RIFA, qui a dit qu'on plaisantait. On rate dans le mille, l'impact est centré. 89, on a pas tous ses traits. Le style adéquat, on est venu représenter. Track RIFA, qui a dit qu'on plaisantait. On rate dans le mille, l'impact est centré. 89, on a pas tous ses traits. Hey, poto, j'suis né avec un mic en argent dans la main. Je tente ma chance dans ce délire, tout en nageant dans la merde. J'fais du rap par passion, nique sa mère si j'vais pas si loin. Pour poser du bon son, pas besoin de monter si haut. Y'a la technique, le faux, les rimes, et on s'applique quand faut y aller. On fait pas comme font les riches, nous on partage quand faut brailler. J'fais du rap à l'état pur, et sache que l'état me fait pas peur. J'braque le mic et pose ma bombe, ouais, c'est comme ça que j'opère. J'ai le style adéquat, toujours un spiff à mes wads. Ouais, fais fumer la weed, que j'te fasse péter les watts. Hey, poto, t'es pas sage, donc c'est le bordel dans la salle. J'prends le mic et fous le bazar, pose mon son et basta. Hey, pousse-toi, car niveau son, j'suis bosseur. Tous les soirs, ça tape tard, ça s'entraîne comme des boxeurs. On vise pas le trône, non, on veut que nos sons tournent. On fait du lourd en tonne, donc fais belle être au tournant. Le style adéquat, on est venu représenter. Track RIFA, qui a dit qu'on plaisantait. On rate dans le mille, l'impact est centré. 89, on a pas tous ses traits. Le style adéquat, on est venu représenter. Track RIFA, qui a dit qu'on plaisantait. On rate dans le mille, l'impact est centré. 89, on a pas tous ses traits. Je prends pendant le Canada, car niveau du Nyanata. Je veux quitter la mer, quitte à partir pour Canada. Sur Pizza Canard, coupe des langues au katana. On fait les bails en loose des pour éviter le car plein main. Avec la classe, je braque le mic, le carré d'as c'est dans mes cas. C'est RIFA et track, toujours le style adéquat. Bah ouais, 89 sur la plaque. Normal, on s'applique et crois-moi que ça blague. J'suis pas le rappeur qui tire des grosses barres rabattes, mais plutôt celui qui rappe avec un costard cravate. Avec un fond, avec la forme, avec un flow, j'viens à lâcher. Un style maîtrisé par seulement deux talents fâchés. Pour l'authenticité de nos textes, pour deux MC aussi leur compé. Comme le cheval qui nique tout ton système. Et 4 parce que 4 albums au niveau combinaison meurtrier. Le style adéquat, on est venu représenter. Track RIFA, qui a dit qu'on plaisantait. On rate dans le mille, l'impact est centré. 89, on a pas tous ses traits. Le style adéquat, on est venu représenter. Track RIFA, qui a dit qu'on plaisantait. On rate dans le mille, l'impact est centré. 89, on a pas tous ses traits. Le style adéquat, on est venu représenter. Track RIFA, qui a dit qu'on plaisantait. On tape dans le mille, l'impact est centré. 89 plat, on n'a pas tous ses traits. Le style adéquat, on est venu représenter. Track RIFA, qui a dit qu'on plaisantait. On tape dans le mille, l'impact est centré. 89 plat, on n'a pas tous ses traits.